C'est quoi l'histoire? C'est décupé. C'est une histoire avec le temps, je n'ai pas su me relever. Quand ma dame a sauté temps pour un sac Gucci relevé. Je n'avais prédit avant d'être fameuse, je suis tombé. Plus envie d'être un artiste car les douleurs m'ont succombé. Cœur brisé, elle m'a laissé seul, le cœur brisé. A fumé ma vie, le cœur brisé. Tout seul avec mon propre cœur brisé. C'est ça le cœur brisé. A fumé ma vie le cœur brisé. Tout seul avec mon propre cœur brisé. Je n'ai plus envie de rien sauf de mon café et mon joint. Je joue quelques heures sur Twitch mais je ne me sens pas bien. Je retourne dans mon lit pour attendre et penser au loin. Je bougeais tellement dans ma vie maintenant je ne fais plus rien. Cœur brisé. Elle m'a laissé seul le cœur brisé. A fumé ma vie le cœur brisé. Tout seul avec mon propre cœur brisé. Sociable mais je dis bonjour quand même. Yep. J'ai besoin de mon joint comme Gainsbourg et sa clope. J'étais venu dire que je m'en vais à mon addiction la plume. Quand le problème n'est pas seulement dû au fait que je fume. Cœur brisé. Elle m'a laissé seul le cœur brisé. A fumé ma vie le cœur brisé. Tout seul avec mon propre cœur brisé.